Comment diriez-vous en utilisant le verbe sich freuen? Cela m'aurait fait très plaisir. En allemand, avec les verbes en sich, on plonge dans le passé à partir du plongeoir avoir. Alors, comment diriez-vous cela m'aurait? Es hätte mich. Es hätte mich. Bien. Cela m'aurait fait très plaisir. Sehr gefreuen. Ce vers quoi vous plongez commence d'ordinaire par GE et finit par T. Gefreut, pardon. Es hätte mich sehr gefreut. Gefreut. J'aurais beaucoup aimé savoir. Ou cela m'aurait fait très plaisir de savoir. Es hätte mich sehr gefreut. De savoir. Wissen. Attention, ce n'est pas un verbe porte-manteau, donc vous devez employer zu. Zu wissen. Bien. Es hätte mich sehr gefreut zu wissen. Que vous iriez là-bas? Dass sie dorthin gehen. Que vous iriez? Würde. Que vous iriez? Würden. Würden, tout à fait. Dass sie dorthin gehen würden. Alors, reprenons. On peut donc dire j'aimerais ou cela me ferait plaisir. Es hatte mich gefreut, hätte mich gefreut. J'ai changé les phrases. Avant, j'avais dit j'aurais aimé, cela m'aurait fait plaisir, mais là, j'ai dit j'aimerais, cela me ferait plaisir. Or, vous avez essayé de retrouver ce que vous aviez dit auparavant. Cela me ferait plaisir, c'est es wird. Es wird indique un futur, non un conditionnel. Es würde. Bien, redites-le. Es würde. C'est ça, es würde. Cela me ferait plaisir. Es würde. Es würde mich gefreut. Est-ce que würde est un plongeoir d'où l'on plonge dans le passé? Non. Es würde mich freuen. Bien. Ici, rien n'indiquait que l'on devait plonger dans le passé. Es würde mich freuen. Es würde mich sehr freuen. Cela me ferait très plaisir. Mais si vous voulez dire cela m'aurait fait plaisir, alors ça sera es. Es hätte mich gefreut. Es hätte mich gefreut. Hätte nous conduit bien à plonger dans le passé. Es hätte mich gefreut. Es hätte mich sehr gefreut. Cela m'aurait fait très plaisir. Vous pouvez aussi dire, au conditionnel, je me réjouirais. Ich würde mich freuen. Bien. Ich würde mich freuen. Je me serais réjoui. Ich hätte mich gefreut. Bien. Ich hätte mich gefreut.